On va parler de deck hockey. C'est une nouvelle qui m'a intrigué il y a quelques jours sur les médias sociaux. On a vu quelqu'un qui est de Saint-Nazaire qui a sondé le terrain auprès des gens de Dolbeau-Missassini pour voir s'il y aurait un intérêt pour le deck hockey, installer une surface de deck hockey. On sait que c'est un sport qui a explosé en popularité. Question de savoir où est-ce que ça en est rendu, ce projet-là. On parle avec un des promoteurs du projet, Éric Simard. Salut, Éric. Oui, bonjour. Éric, évidemment, le projet comme tel, ça m'a intrigué d'en savoir davantage. Pourquoi d'abord avoir sondé le terrain? Est-ce que ça veut dire qu'on a des grosses chances d'avoir du deck hockey à Dolbeau-Missassini l'été 2019, soit cet été-là? Ben, on peut dire que les chances sont quand même de notre côté. On a un bon feeling présentement. OK. Là, présentement, ce qu'on veut, c'est sonder l'intérêt des gens. OK. Sans aucune promesse. Ce qu'il faut savoir, c'est si à Dolbeau, il y a un marché de deck hockey. Mm. Puis on commence avec ça. Là, on prend des noms. Moi, j'ai beaucoup de connaissances de joueurs de deck dans ce coin-là. Je veux savoir s'ils sont intéressés sur des équipes. Ça reste que c'est un petit marché, comme ouais. On a ouvert dans le secteur Alma avec Saint-Nazaire et Iberville. C'est que ça nous a donné deux places de jeu pour combler ce secteur d'environ 35 000 habitants. OK. C'est que là, on est de Saint un peu plus petit, dans genre 25 000 habitants, mais présentement, ce qu'on veut, c'est sonder, voir s'il y a de l'intérêt à très court terme. Qu'est-ce que ça a dit réponse? Parce que tu as sondé ça la semaine passée, donc tu dois avoir quelques réponses, là. Donc, qu'est-ce que ça dit? À date, là, je suis vraiment surpris de la réponse. La réponse est très forte. Puis dans le monde d'aujourd'hui, là, c'est important de faire bouger les gens. Ouais. C'est vraiment ce que je veux dire. On est tous sur nos GameCube et nos téléphones intelligents. Ouais. Le but, moi, ce que je vends, ben, c'est du sport. Puis faire bouger les jeunes de 4 ans à aller jusqu'à 100 ans, là, si sont capables. Mais il n'y a pas de limite, c'est du hockey mal organisé, que c'est la tendance présentement au Québec. OK, OK. C'est le sport de l'heure. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec des autorités de la ville, des gens de Dolbeau-Missassini, un partenariat où c'est vraiment rendu là, puis après ça, on va fonder, puis on va foncer, tout dépendant de la réponse des gens? Ben, moi, j'avais de l'intérêt pour ce marché-là depuis environ 2 ans. OK. Mais j'avais pas vraiment des éléments pour m'y rendre. Et là, j'ai claqué à la bonne porte, puis j'ai parlé à des gens qui sont au courant du dossier, qu'eux aussi étaient intéressés à s'impliquer dans ce dossier-là. Ça fait que là, on a eu quelques réunions, puis ça avance, mais on peut pas rien promettre pour l'instant. OK. Ce serait quoi? Est-ce que ce serait une surface qui se compare à Saint-Prime? Ben moi, à Saint-Nazaire, on joue sur deux surfaces intérieures. Okay. Puis à Iberville, on joue sur une surface extérieure. Okay. Ce qu'on vit, c'est comme à Iberville, c'est une surface extérieure de 3 contre 3, d'environ 50 par 100, pour se mettre aux normes provinciales pour accueillir des tournois d'envergure, puis permettre aux plus jeunes aussi. À 3 contre 3, avec des plus petites surfaces, sont capables de plus jouer qu'avoir une surface de 150 pieds de long, jouer sur le patinoire complète. C'est qu'en faisant des petites surfaces, on crée plus d'équipes, fait que ça forme une belle ligue avec plusieurs calibres. OK, OK. Dis-moi, de ce côté-là, est-ce que c'est vraiment, là, je veux dire, est-ce qu'on pense aussi à que ça pourrait être développé aussi du côté une surface intérieure ou c'est extérieur pour la première année? Ça va être, pour Dolbeau-Missassini, c'est extérieur. OK, c'est extérieur, OK. Donc, on parle ligne d'extérieur, ça sera pas intérieur. OK, ça sera pas intérieur, OK, OK, parce qu'évidemment. Ouais. Puis j'imagine que, à l'heure actuelle, tu estimes à combien les chances que ça marche? Moi, je marche par feeling. Je peux vous dire que mon feeling, présentement, il est très fort. OK. Je veux pas nuire à la progression du projet, ça fait que je peux pas vous... vous introduire en erreur, mais ça va très bien. Il y a combien de joueurs à Dolbeau-Missassini de deck hockey? On est capable d'aller chercher au moins sorti certainement pas loin de 20 équipes dans le senior et en, la même chose dans le junior. C'est qu'on parle des équipes de 6-7 par joueur, par équipe, ça veut dire que c'est au moins 200 joueurs faciles, à part les remplaçants. Puis, on parle de la première année, là. OK. Il faut décoller à quelque part. On décollera pas à 25-40 équipes de chaque. Non, c'est sûr. Il faut décoller. Il y a un début, on dit qu'on a commencé à Saint-Nazaire, on avait 7 équipes. Puis là, le mouvement présentement avec le junior s'est rendu pas loin de 80 clubs. Ça fait que en 5 ans, ça a évolué beaucoup, là. OK. Est-ce que vous avez l'intention, étant donné que vous êtes à Saint-Nazaire et également à Iberville, si jamais le projet voit le jour, est-ce que c'est une ligue qu'on pourrait voir avec des équipes à Dolbeau, des équipes à Iberville, des équipes à Saint-Nazaire, étant donné que c'est le même promoteur, ou ce serait simplement séparé, ou il pourrait même y avoir un tournoi? Ben moi, avec mes deux ligues que je possède, Iberville et Saint-Nazaire, c'est sûr que Dolbeau, c'est un peu loin pour faire de l'interligue à chaque semaine. Il n'y a rien d'exclu. Ce qu'on va, surtout dans le junior, c'est parce que c'est un sport qui va jouer très tôt le soir. Fait que, faire des déplacements. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des tournois et probablement des finales interligues. Ça, c'est certain. C'est ça le but aussi de mon association, élargir le marché pour aller chercher, faire de ce genre de compétition. OK. Là, on a parlé de seniors, mais est-ce qu'on voudrait viser les plus jeunes aussi? Les plus jeunes de 8, 9, 10 ans, 11 ans, parce que là, le but, évidemment, ça va être de rentabiliser ça le plus possible. Oui, il va y avoir que 5 calibres juniors. Ça va commencer pré-novice, novice, atome, pee-wee, bantam, midget. Après ça, en haut de 17 ans, là, ils viennent plus du côté senior. Ça va donner environ, ce qu'on vise, c'est 4 équipes par catégorie pour donner un sens à chaque ligue pour les jeunes. Là. OK, OK. Ben Éric Simon, on va suivre le dossier de très très près. Vous donnez à peu près jusqu'à quoi? Un mois, d'ici un mois, parce qu'après ça, ça prendrait combien de temps à construire la surface si le projet va de l'avant? Ben, présentement, tout est déjà quand même avancé. On les surfaces, c'est pas long à poser, là. OK, c'est pas long à poser, Non, c'est une question de jour. C'est pas. OK, c'est pas une grosse affaire tant que ça. Là. Ce qu'on demande, c'est la fonte des neiges assez ratée. Oui, ça, c'est pas sûr encore. Ben, Éric Simon, on va suivre le dossier de près. J'ai l'impression. Moi, j'ai un bon feeling. J'ai un feeling qu'on va s'en reparler très prochainement. Ben, on l'espère. Puis, on se tient au courant. Puis, on a présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne surtout avec Facebook, les groupes, le partage. On prend des pré-inscriptions, d'équipes pour le senior. Puis là, on en est là présentement. On fait les. On crée un intérêt. OK. Ben effectivement. On va suivre le dossier d'après. Donc, Éric Simard, qui est le promoteur qui tente d'amener du deck hockey à Dolbeau-Mississinique.